Pourquoi au départ, certes, on a très bien suivi ce dossier, au départ, Abidjan dit de ne pas reconnaître effectivement la présence de ces mercenaires au Mali. Après, ils reviennent pour dire oui, ils sont en mission officielle. Sauf qu'ils sont rattrapés, comme le disait André Kessel-Fanga, par le mensonge. Après ce mensonge, donc, on essaie de se rébiffer un tout petit peu. On dit oui, nous reconnaissons qu'il y a eu des failles qui ont émaillé qui ont encadré, alors entouré la présence de ces soldats sur le sol malien. Sauf que, patatras, mardi, nous avons donc ce communiqué où on a un ton quand même qui se veut un peu plus dur vis-à-vis de Bamako, parlant même d'une prise d'otages. Et là, on veut savoir à quoi jouerait finalement Abidjan. Votre question est profonde. Ceux qui m'ont précédé ont déblayé le chemin avec une maestra qui m'oblige, qui nous oblige à creuser. Maître Momo a dit des choses. Peut-être lui me parle comme ça, mais il me prend la légère, ce qu'il a dit. Je sais qu'il ne prend pas la légère. Ben Momo a demandé, ça a commencé comment? Pour qu'on croit qu'on peut négocier avec Ouattara. La question qu'il a posée. Parce que il y a un certain fort également qui fait croire qu'il peut faire une médiation avec Ouattara. Thabo Mbeki jusqu'à aujourd'hui regrette toute sa vie. Il est tourmenté parce qu'il dit il a entraîné Babo au nom de la communauté internationale, c'est-à-dire la pègre internationale. La pègre internationale, qu'on l'a amené à croire que cet homme a une parole. Tout ce que Ouattara dit à Thabo Mbeki, il n'a rien respecté. Mbeki est vivant. Quand vous parlez de Ouattara devant, lui vous dit que c'est une ordure. C'est toi qui c'est un Mbeki emploie comme moi. Tapez internet, vous allez voir. C'est le mot que Thabo Mbeki emploie. Il dit qu'il n'a pas encore vu un homme comme ça, que c'est une ordure. Ce sont les mots que Thabo Mbeki emploie. Parce que Thabo Mbeki a cru un seul instant que c'est quelqu'un avec qui on peut faire une discussion et parler avec lui. Ses amis de réseau. Les nanas à Koudoula, au Ghana. Et les fois, elles m'ont fait croire que M. Ouattara n'a pas accepté une médiation. Elle dit que c'est un homme normal, on peut faire une médiation. Alors que tout ça rentre dans une tactique très éprouvée de ce système, souvent, pour entraîner les patriotes dans des labyrinthes qui finissent par leur mort. J'espère qu'on me comprend quand ils sont en train de parler. Le régime Bamako a voulu faire plaisir à Faure. Parce que Faure Yanima, depuis entre guillemets la crise avec la CDAO, a donné l'impression, s'est présenté comme quelqu'un qui, bon, il s'est démarqué des sanctions, il a dit, il faut négocier. Ok. Bon, et là, on a fait un geste humanitaire. On a libéré les trois dames. Voilà les conséquences. Vous voyez ce que M. Ouattara en fait. Actuellement, il s'en fout de Faure Yanima. Il n'est pas lié par ça. Lui, il est ailleurs. Maintenant, la question de savoir, dans cette séquence, Faure Yanima lui-même joue quel rôle? Il croit sa médiation, ou bien il est dans un rôle pour préparer le terrain vers une dynamique que moi, je te lâche, je vais vous expliquer, je vais vous évoquer ça. Parce que, à l'état actuel présent, est-ce que la médiation de Faure a encore toute sa place? Puisque on va y arriver tout à l'heure, le président, M. Ouattara, voudrait, en tout cas, il a saisi l'instance sous-régionale. Est-ce que quand on va à l'instance sous-régionale, on est encore lié à la médiation qui avait pourtant posé les jalons peut-être de la résolution pacifique à ce différent-là? Elle demandait à Faure également. Elle demandait à Faure. Beki a subi ça, c'est de vous parler. Beki a subi ça. Et à l'époque, Beki n'était pas n'importe qui, c'était quand même le président sud-africain. Et on nous a, à l'époque, la République sud-africaine, mais quand même, ça pesait quelque chose à l'époque. Si on a fait ça en Beki, qui est Faure Yanima? Donc, je ne vais pas revenir sur les conditions d'accès au pouvoir. Et qui font qu'on le tient par la barbiche dans le milieu de la pègre internationale. Monsieur Ouattara a liquidé Faure Yanima. Il a liquidé, carrément. Moi, je ne suis pas là pour défendre Faure Yanima. Allez lui demander ce que signifie sa médiation. Donc, actuellement, là, Maintenant, qu'il faut commencer quelque chose, maintenant, on amène à la CDAO. Et il va vous expliquer les implications, tout ça se fait sur le plan juridique. On va remplacer la juridiction marienne par la juridiction communautaire. Qu'on respecte quand ça les arrange, évidemment. Nous connaissons ce que ça veut dire. Ils respectent la juridiction communautaire quand ça les arrange. Ils n'ont que faire de ça. Cette même juridiction a rendu d'ailleurs sa décision sur le cas des comptes maliens bloqués au sein de la CDAO. La CDAO, personne c'est... Personne n'a fait jusqu'à ce jour présent. Mais la CDAO, c'est une organisation judico-politique qui masque les crimes de l'Occident en Afrique. C'est ça son rôle. Pourquoi je rappelle ce que je viens de vous dire? Moi, je dis quelque chose tout à l'heure. Je pense qu'il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Nous avons un problème en Afrique. Et tant qu'on ne va pas régler ça, on ne se met pas bouger. On ne normalise pas le crime. On ne banalise pas l'abjection. C'est vrai en politique, c'est vrai dans la vie. Il y a des choses que quand vous laissez faire, vous ne l'attraperez plus jamais. Dans un continent sérieux, on sait où on va. L'État africain ne devait jamais accepter le régime de Ouattara au pouvoir en Afrique. Allez dire que nous sommes des rêveurs, bien sûr, table corps. Allez dire. On n'accepte pas n'importe quoi dans la vie. Qu'est-ce qu'on veut banaliser? On veut nous amener à accepter que non, c'est un régime politique normal, c'est dirigé par un grand président qu'il faut supporter. Vraiment, on ne l'aime pas trop, on exagère. C'est un type, il a les bonnes intentions. Il voulait faire. Mais comment ce monsieur arrive au pouvoir? Qui est-il? Qui est-il? Dès que vous êtes dans votre maison, nous sommes les parents ici, dès que tu as un fils ou une fille à la maison, tu la tolères certaines choses, tu laisses faire certaines choses, tu as perdu l'autorité dans ta maison. C'est une question de principe. L'accession de M. Ouattara au pouvoir est inacceptable. Et si vous avez accepté ça, vous vous attendez à quoi? Je vais vous expliquer le mot abjection. Moi, j'ai l'habitude d'appeler, de dire, moi, je me suis jamais dédié ce concernant ce monsieur. C'est le régime de l'abjection. L'abjection veut dire ceci en français. Dernier degré de l'abaissement, de la dégradation morale, ignominie. C'est le régime par excellence de l'abjection dans tout ce qu'il a. Et on est surpris par ce qu'il fait. Mais qui l'a placé là? Mais qui l'ont placé? C'est les parents de l'abjection au niveau international. La communauté internationale de l'abjection. L'empire de l'abjection. Ouattara est le fils de l'empire de l'abjection. Quand il pose des actes, et c'est là on va revenir sur les éléments de langage, on fait comme si c'est un dossier ivoirien, malien, Côte d'Ivoire. Même si le régime de Bamako dit que c'est une affaire bilatérale, ils doivent dire ça, ils sont dans la diplomatie. Mais c'est une affaire, c'est pas de ça qu'il s'agit. Sinon, sur quelle base M. Ouattara veut rebondir pour oser dire que maintenant ce sont des otages? Alors qu'il y a l'État à genoux. Est-ce qu'on va revenir sur ce qui s'est passé? Même l'ONU l'a désavoué. Il était en République sud-africaine, en visite en Afrique du Sud. Il a fait sa bêtise. Il dit que maintenant, cette affaire regarde l'ONU. Est-ce qu'il l'avait dit? Il avait dit ça. Écoutez, c'est un truc là. Est-ce qu'il l'avait dit? Il dit que cette affaire-là regarde l'ONU. L'ONU a réagi immédiatement pour le désavouer. Il a été désavoué partout. Nous savons que quand cette affaire commence, c'est Chougal Maguet qui nous dit ça, à Mondovision. Ils étaient contactés par les autorités maliennes. Ils ont dit qu'eux-mêmes ont dit qu'on ne connaît pas les gars là. Vous avez oublié ça? Tout ça est référencé. Hein? Tout ça est référencé et documenté. Ça dit que l'État malien a saisi l'État ivoirien. Dès le début, ils ont attendu pour les calamités. Ils ont dit que non, les gars là, on ne les connaît pas. Vous voulez qu'on commente sur le fait qu'un menteur ment? Donc, vous voulez qu'on se comment on débat sur les mensonges d'un menteur. Un bandit, quand dans un quartier, vous arrêtez un bandit, met dans le sac, il commence à vous dire que je ne suis pas un voleur, je n'ai rien fait. Il commence à vous narguer. Ça veut dire qu'il s'est quoi comme. Quand on est l'amener devant là, on va le faire rentrer au quartier. Nous, on vit ça au quartier. On a vu que ça dans le quartier. Tu es un bandit, tu dis que il dit que c'est pas un bois, vous allez voir. Tu as vu le commissaire, il avant d'arriver au quartier, il est là chez lui. Et il t'attend. Tu es obligé de venir négocier avec lui pour dormir en paix. Parce qu'il va te faire payer. Vous riez, c'est la logique de M. Ouattara. Qu'est-ce que vous croyez? Il sait que le monde est dirigé par un gang de bandits qu'on appelle communauté internationale, dirigé par Joe Biden, les États-Unis, la France, l'Union européenne, l'Angleterre, un conglomérat de bandits de haut niveau qui tuent, qui brûlent partout. Il sait. Et que depuis des siècles, on ne fait rien. Mais Guillaume Soro, qui aujourd'hui a appris ce que c'est que l'exil, après, il vous a dit ici, tu étais encore ici, que lui, il n'est pas dans le camp des losers. Quand Volotti fait dans le camp des gars, c'est maintenant qu'il a peut-être apprendre que le camp n'est pas trop gagnant. Ou bien qu'on peut être à l'intérieur de venir et aller en Asie comme il est en train de vivre là. Il disait ça ici. C'est la philosophie que l'Occident, la paix internationale est tellement puissante qu'elle a toujours raison. Donc, alors je te réponds, tu me demandes alors. Donc, on peut transformer un fait que tout le monde voit. Une agression, un coup d'État contre un pays, des mercenaires envoyés pour renverser un régime. On peut décréter qu'à partir d'aujourd'hui, ce sont les otages qu'on a pris. Mais je vais te expliquer la logique de Ouattara. Mais c'est là où on est en train de partir. Et à partir du moment où on décrète ça, tu as raison de dire, ça change tout. Et c'est là où les gens doivent faire attention. Peut-être que vous ne connaissez pas la manière de cette affaire. Ouattara joue son fadou, ton vote dans cette affaire. Moi, je vais vous dire pourquoi. Les gens s'amusent. Dans cette affaire, tout le monde est mouillé. L'ONU est la première à être mouillée. Ne soyez pas les naïfs. J'espère que vous n'êtes pas naïfs. Cette affaire de soutien, éléments de soutien nationaux, c'est une mafia mondiale dans laquelle les milliards de francs de dollars sont détournés. Et on se partage ça dans les réseaux qui le montent jusqu'au secrétaire général de l'ONU. Je vous le dis, hein. C'est une mafia. L'ONU est au courant de cette affaire depuis. Ils savent. Ça fonctionne comme ça. Ils savent. Mais ils n'assument pas légalement. Pourquoi? Parce que dans la division du travail, les nègres sont les nègres. Les blancs sont les blancs. Quand ça va chauffer, s'organiser de manière telle que quand ça chauffe, qui est-ce qu'on voit? On vous a sorti l'entreprise là. C'est un nom là, ça s'appelle quoi? Vous vous souvenez? C'est un nom bizarre là, service quoi là. On a sorti les actionnaires. Les frères de Ouattara et de Macky Sall. Est-ce par hasard que ça sort maintenant? Mais on ne vous dit pas que c'est un truc qui est parrainé par l'ONU. On ne vous dit pas ça. Parce que dans le principe, on ne veut jamais salir les Occidentaux. Non, non. Les nègres doivent payer. Je ne suis pas là pour pleurer sur Macky Sall. Non, non, non, je m'en fous de ce monsieur. Il vit sa vie. C'est son monde. Mais quand il faut liquider les choses, le blanc, l'ONU s'est dégagé très vite. La municipalité s'est dégagée. Les Allemands se sont dégagés très vite. Mais ils étaient dans l'affaire. Quand on vous dit qu'on paye un soldat, peut-être on paye un soldat 15 millions et que le soldat le soit 500 000, ça vous dit quoi? C'est une mafia, monsieur. C'est d'abord une mafia d'abord, où des présidents et leurs familles sont mouillés. Et à partir de là, on les tient comme ça. Puisqu'à partir du moment où l'ONU n'assume pas ça légalement, c'est vous qu'on tient. Et ça chauffe, on vous lâche. Donc, Ouattara a été lâché par ces gens au départ. Ils l'ont lâché. En public. Mais en privé, on lui dit débrouille-toi. Et M. Ouattara, il sait se vendre. Dans leur milieu, il dit que, ok, j'ai encore mes cartouches. Donc, ça même le dit. Vous me lâchez, n'est pas les Russes à deux pas. Regardez le contexte mondial, le contexte sous-régional. Ouvrez les yeux vous-même. Ouvrez les yeux. Pourquoi les Occidentaux peuvent accepter que Ouattara tombe à leur site, par leur volonté? Tant qu'ils ne sont pas sûrs que s'ils tombent, c'est un de leurs qui va continuer. Les Russes sont à deux pas. Mais regardez les enjeux. Ouattara est en train de se vendre sans même parler. Il dit ok, on va voir. Ça veut dire qu'il ne décide même pas. Il ne tape même pas son corps. Le gars analyse les intérêts que l'on place au pouvoir. Il sait très bien que vous ne pouvez me lâcher en public, vous ne pouvez pas me lâcher. Parce que ici, vous avez besoin de moi. Si vous me lâchez ici, les colonels prennent tout le Sahel. Vous avez besoin de moi. Il le sait. Comment il a fait pour son troisième mandat? C'est la même chose. Il faut faire des analyses. C'est-à-dire qu'il soit à la hauteur des enjeux. Et selon vous allez comprendre pourquoi il y a ce retournement. Pourquoi maintenant il a liquidé fort. Parce qu'il voulait piéger. C'était un piège. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Ford vient dire que bon, c'est une affaire diplomatique. Quand on dit diplomatie, c'est que deux États s'asseyent et négocient. Mais c'est normal que le régime du Mali dise que, mais ok, Ok, d'accord, je suis prêt à comprendre. Pas de problème. Mais tu peux continuer à recevoir chez toi des assassins qui ont tué un journaliste et des gens qui ont volé l'argent du pays. Ils sont chez toi. Et qui, en plus, à partir de ton pays, organisent la déstabilisation du Mali. Si son Ouattara a passé son temps à faire chaque fois les mandats d'arrêt internationaux, arrêter Lida Kouassi, c'est pas son travail. Mais pourquoi quand c'est lui, c'est normal, et quand c'est pas lui, c'est pas normal? C'est le Ouattara. Blé Goudé, Lida Kouassi, même Don Melo. Juste ici au Cameroun, il a poursuivi ici au Cameroun. Tu te souviens, maître? C'est la base de quoi? C'est que le Mali demande là, c'est ce Ouattara passe son temps à demander. Mais dans sa tête, comme il est Dieu, il est l'enfant chéri des tout-puissants du monde. Lui, il a des droits. Et que bon, ne l'imitez pas parce qu'il vous dépasse tous. Il vous dépasse, il vous dépasse. De chasse, on l'a autorisé à tuer parce qu'il est l'enfant chéri de la communauté internationale. Mais c'est tout. Et comme tous les présidents africains sont les lèche-potes de la communauté internationale, Ouattara l'a méprise pour ça. C'est ça. Ce qui se passe. Il dit que dans ça, je suis grand que vous. C'est tout. Je suis. C'est ça. Que j'ai le permis que vous n'avez pas. Mais Claire, c'est moi, Ouattara. C'est avec moi qu'on a commencé à recoloniser le continent. Donc je vous dépasse à la fessée. Propre. C'est pour ça qu'il méprise Assimi Gota. Propre. Mais allez savoir, il les méprise tout, il les regarde de haut. Mais attends, quand il transforme les faits, c'est un mépris. Mais comment? C'est clair. Et il vous dit, donc c'est ça qui c'est. Donc, cette transformation, ça veut dire deux ou trois choses. Il y a des indications qui vous montrent qu'on va quelque part. Un, il décide d'amener l'affaire à la CEDEAO. Il va impliquer la CEDEAO. Oui. De se prononcer. Bon, de moi je vous là, en l'état. La CEDEAO va dire quoi? Ils vont rejeter Ouattara. Non, pour la Assimi Goïta. Hein? Jamais. Il y a des signes qui parlent. Si c'est ce que j'ai appris est vrai, ça a vérifié. Le président du Nigeria a fait une sortie pour dire que cette affaire, il faut connaître ça très vite. Que la Assimi Goïta, il faut régler ça. Déjà, le comportement, c'est inacceptable. Si c'est vrai, pourquoi Buhari parle comme ça? Et Buhari, c'est un poids lourd. Et ça, c'est vrai, c'est une évolution de Buhari. Il y a quelques mois, il était pas sa position. Ce dossier malien. Il a évolué. Il a le plus gros contingent de l'Europe. Pourquoi il évolue? Un. Donc, on l'implique. Deux. Depuis, on parle, vous ne l'entendez pas. Vous n'avez pas entendu le Tintin qui est en Guinée-Bissau, là? Il dit un Tintin. Un Mbalo Sissoko. Tu l'appelles qui? Mbalo Sissoko. On va dire président aussi. Donc nous aussi, on appelle celui-là président. Ok, d'accord, on est le président. Ok. Parce que quand tu es président, ne touche pas. Tu es Dieu. On n'a pas entendu commencer à dire qu'il faut une force anti-putsch. Vous n'avez pas entendu ça depuis devant vous? Bien sûr. Une force anti-putsch. C'est Fanga. Hein? Vous êtes naïf? C'est une armée contre le Mali qu'on est en train de fabriquer devant vous. C'est tout. On dit anti-putsch. C'est tout. C'est pour la façade. Oui. Anti-putsch. Mais il n'y a pas longtemps, quand on vous a dit qu'on va aller tenir un sommet de la CEDEAO où? À Washington. Bon, tout ça, vous croyez que c'est le jeu? Non. Vous croyez que c'est le jeu? On n'a rien à faire. Hein? Préparer une force internationale qui va venir exécuter la décision de la CEDEAO. Pourquoi? Parce que dans la stratégie, et je dis, il y a quelque temps, les Américains ont demandé à leurs ressortissants de partir du Mali. Vous avez oublié ça? Ça. Les Américains ont demandé à leurs ressortissants de quitter le Mali. Les deux soldats français qui ont été interpellés à. Je crois c'était vendredi du côté de Bamako, puis relâchés, disent qu'ils étaient là pour essayer de travailler comment effectivement chercher à tracer des couloirs humanitaires pour évacuer librement les ressortissants français. Je vous qui sont dis, du côté de Bamako. Nous savons, c'est pas aujourd'hui que le monde a commencé, ils font ça depuis. Mmh. Et comme Simo dit, ils ne changent pas le moyen de s'asseoir. Parce que Simo dit qu'ils ne changent pas la façon de s'asseoir. Alors, donc, quand on mettait tout ça ensemble, mais regardez le contexte mondial. Dans le monde, vous ne voyez pas les gens qui veulent la guerre. Quels sont les gens qui ont intérêt à ce qu'il y ait des guerres comme l'Ukraine partout? Qui veut ukrainiser le Sahel? Qui a intérêt à ukrainiser le Sahel? Le Sahel. Vous voulez pas en train de voir que la profondeur par laquelle on peut sanctuariser le projet d'ukrainiser le Sahel, ce n'est pas les trois frontières dans le Sahel. C'est ça. Et quoi de mieux que de trouver une occasion de déclarer une guerre au Mali? C'est-à-dire pour créer ce qu'on appelle un champ d'ukrainisation dans le Sahel, c'est important. Oui. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la géopolitique mondiale, il est important qu'on crée des palais épicentres partout pour épuiser, n'est-ce pas, créer des chaînes qui permettent d'épuiser, n'est-ce pas, de donner de la profondeur à la bataille géopolitique de la puissance qui déroule au sommet entre la Chine, la Russie et les États-Unis. Et les États-Unis, vous avez l'Occident. Mais ouvre les yeux. Ouvre les yeux. C'est ça qui justifie le comportement de Ouattara. Il dit que maintenant, ok, je transforme l'affaire si désormais ce sont les otages. Or, tout le monde sait que ce sont des mercenaires. L'ONU l'a dit avant-hier que ce sont des mercenaires. Tout le monde a dit que ce sont des mercenaires. Maintenant, il dit que ce sont les otages. En diplomatie, quand on dit qu'on a pris à l'hôtel les soldats d'un pays, on va vous dire ça veut dire non. Est-ce que finalement, on parle le terrain, non? Mais oui. On parle le terrain pour préparer la guerre. Mais c'est tout. Mais, les libérer. Mais c'est peut-être la question, avant d'arriver à Arin Diabaté Mandeng, est-ce que dans ce cas-ci, il voudrait, Bamako, alors Abidjan voudrait un affrontement, préparer un affrontement direct avec Bamako? Non, vous êtes naïf un peu. Excusez-moi, je vous dis ça, pardon. C'est pas ça. Je ne voulais pas dire que vous êtes naïf, mais c'est pas ça. Écoutez bien, en Ukraine aujourd'hui, pendant que les Ukrainiens sont en train de mourir comme des rats, parce qu'ils sont dirigés par un voyou, un criminel, qui se drogue à tout moment, à qui ça profite? Aux industries occidentales. À Washington. À Washington. Et à des marchés financiers qui tiennent en partie l'Europe et qui veulent faire basculer l'Europe dans ce qu'on appelle la nouvelle économie. Elle dit qu'il préfère que les Européens meurent de froid, qu'il n'ait pas le garde et tout. Ça ne vous dit rien. Attends, comment les dirigeants normaux peuvent crier à dire que la souffrance à leur peuple. Ça vous dit rien. Ils font ça exprès. Parce qu'ils ont un agenda caché derrière. Ça roule pour ça. Dans le cadre de cette guerre, à qui ça profitera encore? Mais, ils veulent vous le dire, à Washington, parce que c'est eux qui profitent. Parce que quand il y a des guerres comme ça, vous vous épuisez, vous mourrez là. Mais c'est eux qui profitent, ils font avancer leurs agendas. Et comme moi je vous dis, ils veulent créer les conditions, l'Occident veut créer les conditions pour que, c'est-à-dire que transformer leur chute à un avantage. C'est-à-dire que asseyons-nous et voyons entre nous les grands comment on peut se repartir le monde. D'autres vont payer les pots cassés, on s'en fout. On s'en fout. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Pendant qu'on se bat en Ukraine, qui profite? Vous avez tous les jours, Biden dit non, même pas une guerre nucléaire avec la Russie. Marché qu'on sort. C'est l'autre jour que Poutine a dit ok, je vous vois venir. Maintenant, celui qui traverse, je veux frapper chez vous. Oui. Là, il était clair. Oui. Qui a intérêt à un déclenchement d'une guerre nucléaire dans le monde? Si Poutine dit je frappe chez vous si vous continuez, ça veut dire que je suis prêt à tout. Oui. Même engager une guerre nucléaire parce qu'il s'agit de l'existence de la Russie. C'est tout. Mais qui pousse derrière? Washington arme les Ukrainiens. Ils ont des forces. En fait, ce sont les forces spéciales occidentales et américaines qui sont en Ukraine en train de vouloir faire le guerre, de vouloir pousser à cette affaire. C'est la même chose qu'ils veulent faire ici. Ici. Alors, une armée internationale qui va. Oui. Qui va les conditions sont définies devant vous matin, midi, soir. Ça a commencé par la visite du voyou qu'on appelle secrétaire général de l'ONU. Un parfait voyou, un salaud. Je le dis, un salaud à mon deux visions. Rappelez-vous sur le Covid ce qu'il a dit sur l'Afrique. On connaît bien ses propos là. L'Afrique lui a fait quoi? Est-ce qu'on parle comme ça des gens qui sont membres de l'ONU? Qu'est-ce qu'il a dit à l'époque? Quand ça ne change pas de cœur, il a pris l'avion, il est venu ici, il a fait une tournée devant vous, il est parti du Sénégal, il est arrivé au Niger. Rappelez-vous, il a dit qu'il faut créer, il faut internationaliser l'armée du Niger. Et il a dit qu'il appelait à qui? Pas à l'ONU de le faire. À une entité. Je fais signe, vous savez, vous là-dessus. Tout à fait, président. Tout à fait. Il a appelé à ça. Nous avons crié pour dire que, mais comment les gens peuvent laisser faire des choses comme ça? C'est pas son rôle. C'est pas son travail de faire ça. Mais il a dit devant vous. Donc, l'idée d'une force internationale occidentale pour contrer la Russie dans le Sahel et défendre le Sahel par tous les moyens, quitte à créer une guerre éternelle dans le Sahel, cette idée marche devant vous depuis longtemps et c'est porté par l'ONU. Donc le cinéma qu'ils ont fait en désavouant Ouattara devant vous, qu'on le désavoue, c'est pour tromper l'opinion publique. Pas derrière. C'est eux qui le portent comme ça pour dire que monsieur, lance-toi. Nous sommes derrière toi. Lance-toi. D'accord. Et ça pousse donc l'abjection qui est en marche à Abidjan. Le fils de l'abjection mondiale. A bombé le torse. Vous avez tout compris. Merci à vous, président. Afrique Média. Le monde, c'est nous.